Ce vendredi à la vie en BD, une rencontre avec le scénariste Alcante de Passage à Québec, le facteur de l'espace de Guillaume Perrault et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, avant-dernière émission de La Vie en BD pour la saison 2015-2016. Avant, on l'espère bien, un retour en septembre prochain et une belle émission. En fait, ce sera vraiment le ton d'ailleurs au fil de cette semaine et de la semaine prochaine. On profitera des visites qui se font à Québec. Donc, cette semaine, c'est Alcante qui sera avec nous en deuxième partie, un scénariste, ma foi, fort prolifique, qui nous a offert des séries comme Pandora Box, comme Rani, plusieurs autres, qui a travaillé sur un épisode de 13 Mystery, entre autres choses. Alors, on aura l'occasion de parler avec lui, évidemment, de son travail, de sa perspective autour du métier de scénariste, mais également de revenir sur quelques-uns des albums qui ont marqué son parcours. Alors, ce sera en deuxième moitié d'émission, et je disais, ben, on profitera de ses visites, puisque la semaine prochaine, on aura l'occasion d'avoir la coloriste Isabelle Merlet avec nous également. Par ailleurs, si on reste cette semaine, il y aura Guillaume Perrault qui sera avec nous dans quelques instants, en fait. Guillaume Perrault qui, après le Cumulus que j'avais bien aimé il y a deux ans, fait pour être précis. Il nous revient cette fois avec une histoire de facteur de l'espace, donc une histoire d'un facteur qui se retrouve dans une toute autre routine quand son parcours est changé. Un chouette récit dont on avait envie de vous parler avant que la saison ne se termine. Alors, c'est le menu pour cette semaine. Sinon, dans l'actualité, mais les actualités évidemment moins joyeuses, ça arrive. C'est notamment Marsha Cook, l'épouse de l'écrivain, de l'auteur BD Darwin Cook, qui a informé ce matin en fait, que ce créateur fort apprécié reçoit présentement des soins palliatifs suite à une lutte avec un cancer particulièrement agressive. Alors, évidemment, ce sera à suivre en espérant qu'il réussisse à s'en tirer, mais bon... On croise les doigts. Cook, évidemment, est bien connu dans l'univers du dessin comme un auteur pour DC, The New Frontier, des adaptations du Parker de Richard Stark. Entre autres choses, il a réinventé le personnage de Catwoman en 2001. Il a travaillé beaucoup sur Batman, entre autres choses. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Je disais, nouvelle plus joyeuse également qu'il les côtoie, puisque la mobilisation des militants des droits de l'homme autour du cas de la dessinatrice iranienne Athena Faragdani n'aura pas été vaine. La dessinatrice qui avait été condamnée à 12 ans de prison en juin 2015 a été libérée. C'est une jeune dessinatrice de 28 ans qui est également militante pour les droits des femmes qui avait été emprisonnée suite à la publication en 2015 sur sa page Facebook d'une caricature de membres du Parlement iranien. Elle les avait représentés avec des têtes d'animaux en train de voter une loi anti-contraception et criminalisant les stérilisations volontaires. Alors, elle avait été également accusée de relations sexuelles adultères ou illégitimes pour avoir serré la main de son avocat. Alors, elle risquait... elle avait été condamnée à 12 ans de prison. Eh bien, voilà, elle a été libérée. Donc, très bonne chose de ce côté. Évidemment, les motifs de la condamnation nous rappellent qu'il y a encore du chemin à faire en matière de droits de l'homme et de liberté d'expression dans certaines zones du monde. Parallèlement, on parle du bimestriel Arg, qui connaît des problèmes financiers, un parcours mouvementé d'ailleurs depuis sa naissance, après 11 numéros en mode bimestriel et en diffusion dans le réseau Livre. Ce magazine qui avait été lancé en 2013 avait redémarré sous la forme d'un mensuel avec un nouveau prix, un nouveau réseau de distribution. Malheureusement, c'est une évolution qui n'a, semble-t-il, pas permis à la revue spécialisée en BD de s'en sortir malgré sa qualité. Dans un communiqué, la maison d'édition du même nom annonce que les 6 derniers mois, le diffuseur n'a placé que 57 7% des objectifs prévus, 54% pour 2016. Donc, une différence massive. Évidemment, on parle de 40 000 euros de distincte différence, un trou de trésorerie. Alors, on dit, ben, regardez, notre avenir est incertain. On prend une pause pour une durée indéterminée. Sinon, deux nouvelles qui nous amènent plutôt vers Québec. La Ligue québécoise d'impro BD qui va terminer sa saison. Donc, le dernier match aura lieu ce dimanche 15 mai. C'est à 20h du côté du Cercle. Alors, un match qui opposera les deux équipes qui ont dominé la saison 2015-2016 de la Ligue. Donc, les Oranges et les Bleus. Dernière occasion également de voir la Ligue de ce côté. Et on parlait d'Alcante tantôt. Si vous avez envie d'aller à sa rencontre, d'échanger avec lui, il y a le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et Québec BD qui ont annoncé la tenue d'une classe de maître sur le scénario BD avec lui. Ça aura lieu mercredi 18 mai, 19h à 21h. On dit évidemment qu'au-delà du dessin, une bande dessinée doit compter sur un scénario solide pour marquer le lecteur. Mais quelles sont les différentes façons d'aborder cet élément central de la création d'un album? Quels sont les trucs pour avoir un récit bien ficelé? Alors, si on veut avoir plus d'informations ou si on veut s'inscrire à l'activité, parce qu'il faut s'inscrire, eh bien, c'est à info@fbdfq.com. Alors voilà pour ces différents clins d'œil. En musique, on écoute Visager qui nous accompagnera au fil de l'émission de cette semaine. Cette musique aura-t-elle un petit côté un peu spatial, on l'espère, puisque le prochain sujet de l'émission de cette semaine, c'est Le facteur de l'espace, nouvel ouvrage de Guillaume Perrault qui a été publié tout récemment du côté des éditions La Pastèque. L'auteur est avec nous au bout du fil. Guillaume Perrault, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et Guillaume, en fait, tu nous reviens 2 ans après Cumulus avec, donc je le disais, Le facteur de l'espace. Si on résume en quelques mots, c'est l'histoire d'un facteur, dans le fond, dont la tournée habituelle est un brin chamboulé, l'itinéraire routinier a été changé. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette piste-là? Qu'est-ce qui m'a amené sur la piste du facteur de l'espace? En fait, sais-tu quoi? Ce livre-là a commencé avec un simple gribouillis, là. Je te dirais, j'étais en train de faire des croquis dans mon calepin. Je sais pas pourquoi, je commençais à dessiner des petits astronautes pour le plaisir. J'ai rajouté une casquette à l'astronaute, j'ai dessiné un petit sac dessus. Je sais pas, je trouvais ça comique. Puis d'un coup, je me suis dit, ça ressemble à un facteur. Puis je sais pas pourquoi, je me suis juste dit, bon, un facteur dans l'espace, c'est comique. J'ai commencé à imaginer Colin, ça ferait un bon sujet pour un livre jeunesse. Puis ça fait que ça a parti d'un croquis d'absolument rien, puis ça a resté là pendant quelques semaines. Un matin, je me suis réveillé, j'ai repris le croquis, puis je me suis dit, Colin, le facteur de l'espace, ça sonne bien, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis j'ai commencé à écrire l'histoire à partir de ça. Fait que ça a vraiment parti d'un gribouillis, je te dirais. C'est comme ça que ça a passé. Et comme avec Cumulus, en fait, j'ai l'impression que l'a priori peut surprendre. Avec Cumulus, c'était, je le rappelle, en fait, l'histoire d'un petit garçon et de son amitié avec un nuage. Ici, on parle d'un facteur de l'espace. Donc, il y a un côté un peu absurde, un peu fantastique, un peu là-dedans. Exact. Mais à travers ça, la manière dont tu l'abordes, c'est profondément humain et c'est très quotidien aussi. Oui, ben c'est ça. Le but, en fait, l'espace m'a toujours fasciné avec, tu sais, les classiques du genre Star Wars, des trucs comme ça. C'est sûr que pour pas mal de gens, l'espace, le futur, tout ça, les planètes, les vaisseaux, c'est rempli d'imaginaire, là, comment de séries, de films, d'histoires qu'on a vues par rapport à ça. Je pense que c'est propice à l'imaginaire, ça fait triper un peu tout le monde, la découverte, l'inexplicable, etc. Je voulais toucher à ça, mais en même temps, je me disais, ça serait le fun de voir un futur qui est différent de ce qu'on voit justement dans les Star Wars puis les Star Trek. J'avais pas envie d'avoir un futur puis un espace avec du chrome, des planchers blancs, du métal, c'est froid, militaire, etc. J'avais envie d'avoir un futur, mais rempli de verdure, avec des personnages sympathiques, à place, tu sais, des espèces d'iPad futuristes, ben, il y a encore des tablettes avec des papiers. Il y a cette espèce de futur-là, mais qui a l'air un peu broche à foin sur les bords, qui a l'air un peu gossé. Et ce qui faisait que c'était plus familier, c'était plus humain, c'était plus... je sais pas, il y a une espèce de facture là-dedans qui me plaît et qui est chaleureux. Tu sais, je pense que c'est ça que je voulais. Quand on pense à le chrome, le futur, tout ça, c'est pas ça que je voulais. Je voulais quelque chose de familier, de chaleureux. Oui, puis en fait, les aventures, en fait, parce qu'au bout du compte, le récit, c'est les étapes, c'est une tournée, c'est une journée dans la vie de Bob, le facteur de l'espace. Donc, il croise cinq planètes, cinq personnages ou peuplades. Oui, ben c'est ça, il y a cinq livraisons, exactement. C'est une de ces journées qui, justement, Bob, ce qu'on comprend, sans connaître son passé nécessairement, on comprend qu'il est un personnage qui aime son quotidien, qui aime sa routine, sans trop de tracas. Puis c'est ça, il arrive au bureau de poste un matin, il se voit offrir cinq nouvelles livraisons à des quartiers, à des gens qu'il n'a jamais vus auparavant. Je dis quartier, mais en fait, c'est plutôt des planètes. Donc, c'est ça, il tombe sur ces cinq planètes-là, puis il va y arriver cinq péripéties, cinq pétains, si on veut dire, ce qui va lui causer quelques problèmes. Puis, oui, c'est ça. Et en même temps, le problème majeur, et ça renvoie aussi un peu au nœud humain, si on peut dire, de ce livre-là. Un peu comme dans Cumulus, c'est une certaine appropriation du changement. Donc, le petit garçon venait de déménager, il se forge c'est une ça. Amitié. Et là, Bob, lui aussi, ben, dans le fond, il fait face à un changement. Il faut qu'il accepte le changement. Exactement. C'est bon ce que tu dis par rapport à Cumulus, parce que c'est vrai que c'est un peu un thème similaire sur le changement. De la manière que je voyais, Bob, c'était oui, le changement. Mais c'était plutôt positivisme, puis d'apprendre à vivre l'aventure. Si je te dirais, c'est plutôt ça. Parce que pour Bob, son but, c'est de passer au travail de la journée tout de même. Donc, c'est d'apprendre à voir l'aventure, d'apprendre à voir les opportunités, puis quand même de foncer, puis d'avancer là-dedans. D'un autre point de vue aussi, c'est d'apprendre à voir le bon côté des choses. Parce que tout au long de l'histoire, comme je dis, il arrive des pépins sur une planète, il se perd, sur l'autre planète, il se fait mal, sur l'autre planète, il se salit. Puis, c'est un peu des parallèles avec des choses plates qui peuvent nous arriver à tous les jours. Ce qui peut nous arriver à la famille, en famille, au travail ou en voyage, tu sais, on peut aller faire des vacances, c'est super, mais on se perd. Puis, d'un coup, les vacances deviennent complètement terribles pour nous. Mais c'est un peu le parallèle que je voulais faire avec l'histoire de Bob. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bob se rend compte finalement que malgré, bon, les pépins ou qu'est-ce qui arrive au cours de ses livraisons, il y a tout de même du positif là-dedans, qui s'en rend compte à la fin. Donc, c'est capable de tirer le positif du négatif, en fait. En fait, tout est une question de perspective. Il s'agit de prendre la bonne. Exact. Et en même temps, ça donne le ton un peu, je pense, la description qu'on en fait donne on est un peu dans une fable pour tous aussi, en fait. Je trouve intéressant que tu dises au départ, tu réfléchis à un récit jeunesse, parce qu'il y a un côté enfant un peu là-dedans, mais il y a un côté aussi adulte, donc c'est un peu comme Cumulus, en fait, on est un peu entre deux âges. Oui, effectivement. Je te dirais, par contre, que contrairement à Cumulus, qui était écrit vraiment ad lib, là, tu sais, j'ai vraiment été large. Le facteur de l'espace a été écrit directement pour les enfants. Je te dirais, je l'ai écrit comme un livre jeunesse. Je me suis dit, je voulais que la rédaction soit pas nécessairement ajustée, mais plutôt, je me suis dit, bon, je vais l'écrire pour un kid, pour un enfant. Tu sais, j'ai envie de l'écrire pour moi quand j'étais jeune, pour mes neveux, les fils, les filles de mes amis. Tu sais, je me mettais ça en perspective. Fait qu'un peu, je suis d'accord avec toi qu'une fois terminé, je le regarde, je dis, ben, quand même, hein, je pense qu'on pourrait avoir 30 ans, 50 ans, 70 ans, quand même l'apprécier, un peu comme Cumulus. Mais je te dirais que l'optique à la base était quand même un livre jeunesse. Et on imagine, justement, ne serait-ce qu'avec, justement, les univers que tu mets en place, les cinq rencontres qu'il fait, il y a de la bibitte là-dedans, puis il y a de la bibitte, le fun à expliquer aussi, puis à regarder. Donc, si je me mets dans la peau, justement, d'un lecteur jeunesse, il y a quelque chose là, ça, c'est clair. Là. Ben, exactement. Puis, c'est un peu, justement, le thème de l'espace. Ben, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que, justement, on a des planètes, des extraterrestres, des robots, des gentils, des méchants, des accidents, des trous noirs. Tu sais, il y a tellement de stock, il y a tellement de matériel à aller chercher. puis c'est un peu ça avec quoi je me suis amusé aussi. Puis soit disant passant, en fait, les cinq planètes sur lesquelles il va, il y a un peu des parallèles avec le métier de facteur traditionnel comme on le connaît sur Terre. Mm-hmm. La planète sur laquelle il tombe face à face avec des chiens, bon, un classique du facteur. On a le personnage qui lui fait perdre un peu son temps, donc on peut imaginer que des facteurs peuvent tomber facilement sur des gens comme ça. La vieille dame avec sa planète qui est tout encombrée, mais l'espèce de classique de la pelouse mal entretenue. Fait que ça, c'était j'essayais de prendre des clichés qu'on peut imaginer qu'un facteur pourrait tomber dessus à tous les jours, puis le transposer. Bon, mais qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'espace maintenant? Oui, à ce point de vue-là. Puis j'aurais l'impression, tu pourrais me corriger ou non, mais de l'amplifier, de dire, OK, si on a une planète de chiens, par exemple, à quoi ça ressemblerait? On est un peu en train d'essayer, j'imagine, de construire parce qu'il faut que ton monde... Il y a un côté absurde, mais il faut quand même que mm-hmm. ça se tienne un peu dans le moment où on va être sur cette planète-là. Oui, c'est ça. C'est sûr que à la base, comme j'ai dit, puisque c'est du jeunesse, je voulais quand même avoir un brin de comédie, de l'absurde un peu, etc. Puis on sait très bien que c'est quelque chose qui nous approche beaucoup, la comédie, quand on est jeune. Donc, c'était un point de pivot. Mais je voulais quand même qu'il y ait une espèce de point de vue... je voulais que la planète des chiens soit comique. Je voulais que ça surprenne. Je voulais que ça creuse l'imaginaire des gens, en fait. Et à travers ça, ton récit est structuré aussi dans la mesure où on va dans une planète. Après ça, il y a une séquence de voyage. Le facteur mm-hmm. fait un peu une rétroaction sur ce qu'il vient de vivre. Donc, il y a quand même un rythme assez délibéré aussi au fil des différentes séquences. Ça reste très, très découpé comme récit. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est ça. Chaque visite de chaque planète, c'est en sorte un chapitre, si on pourrait dire. Puis je l'ai écrit comme ça pour quelques raisons, parce que je te dirais, la comparaison est extrêmement loin, là, mais si on pense à un coup, j'adore les films de Quentin Tarantino, OK? Aucun rapport avec le facteur de l'espace, je te dirais, mais tu sais, l'espèce de classique de Quentin avec Kill Bill et des trucs comme ça, qui a des espèces de... Ils te mettent on présente des slides avec le nom du personnage, ou bon, acte 2 ou acte 3, etc. Je trouve que ça rajoute quelque chose de tellement intéressant. Puis je me suis dit que je voulais faire quelque chose comme ça avec le facteur de l'espace, une espèce de pause entre deux livraisons. Puis la raison de ça, c'est pour, dans un, faire une pause, oui, pour que si le lecteur décide d'arrêter la lecture, bon, il y a le temps. Mais aussi, comme tu as dit, chaque planète est tellement différente de par l'action ou le pépin qui arrive ou par les personnages ou pour simplement la couleur de la planète, etc. Je voulais vraiment qu'on ait un pont entre les deux, en fait. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que je l'ai créé. Et après ça, de jouer évidemment avec les cases aussi, ce que ton découpage de en fait, tu utilises beaucoup des pleines pages pour illustrer, nous présenter un peu des séquences, mais il y a quand même une certaine variété dans la manière, dans l'architecture de ce que tu proposes, des cases plus formelles, des cases sans contour, des planches à deux cases, à une, à quatre, etc. Donc il y a un jeu aussi de ton côté là-dessus. Tu t'es laissé aller peut-être un peu là-dedans ou? Oui, je dirais, encore là, faire un comparatif avec Cumulus, ce que j'avais fait, Cumulus ne comptait pas de cases, donc c'était vraiment il y avait pas de cases, c'était le texte directement lié à l'image, et c'est tout, il y avait même pas de phylactère, c'est un monologue, donc c'est assez simple à placer, c'était pas si complexe. Je dirais que dans celui-là, j'ai plusieurs personnages, des phylactères, des cases, mais je voulais un peu éclater. Je voulais pas qu'on tombe dans le classique, la case à la Tintin, très calculée, ou etc., donc oui, il y a des pleines pages, oui, il y a des séquences où il y a quatre cases en même page, des fois il n'y a pas du tout de cases, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avant tout penser qu'est-ce que cette page-là veut refléter. Est-ce que dans cette page-là, on a une action? Est-ce que dans cette page-là, on a une réflexion de la part du personnage? Est-ce qu'on veut une tension? Est-ce qu'on veut une séquence d'images, un peu comme des plans-séquences au cinéma, des trucs comme ça? Donc, j'essaie vraiment de penser à l'émotion que je veux transposer. Donc, si c'est un exemple, Bob est en état de choc ou il y a quelque chose qui le surprend ou il est inquiet, peut-être que le décor n'est pas important. Tu sais. Mm-hmm. Ce que je veux voir, c'est l'expression du personnage. C'est ou au contraire, si le décor est important, on va foutre une pleine page puis on va vraiment s'amuser à mettre un décor plafond plancher là-dessus. Là. Oui, parce que quand tu retires justement tes cases, si on peut dire, là, on se retrouve avec un action, un élément qui est vraiment mis de l'avant parce que on est sur une page blanche dans ces situations-là, tandis que subitement, après ça, OK, on retombe dans le contexte, ça permet de faire un gros plan, comme tu disais, sur ton action. Oui, c'est ça, puis comme j'ai dit un peu, je te dirais, je suis un grand fan de cinéma, puis ça m'influence beaucoup dans mon travail, puis je veux dire, j'ai fait une parenthèse assez loin avec Quentin, là, mais j'adore le cinéma où... tu vas regarder des gens comme Wes Anderson qui vont faire des plans très centrés, très symétriques, une espèce de traveling, encore là Quentin qui a son genre de plan. Ce que j'adore des cinéastes, c'est d'analyser les séquences dont ils vont faire le gros plan, le plan large, un contre-plan, un plongé, pourquoi ils vont faire ces scènes-là. Puis je pense que c'est ça qui m'intéresse beaucoup, de mettre la bonne chose de l'avant dans la page, en fait. Oui, je pense que c'est simplement ça. Mais ce que je trouve intéressant dans la manière que tu fais, parce que souvent, quand on fait un gros plan en BD, on va faire un gros plan, on va se rapprocher du visage, quelque chose du genre, mais là, on reste, dans certains cas, on reste essentiellement à la même distance au niveau de lecture, mais comme on enlève toute l'arrière, ça fait comme un effet de gros plan, mais sans être physiquement dans un gros plan classique. C'est ça, exactement. Ben, c'est ça, comme j'ai dit, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que si, par exemple, on va faire un gros plan sur Bob est surpris, il y a une émotion, peu importe, je pense que c'est pas nécessairement le fait de comme tourner l'objectif puis de se mettre dans le visage de Bob. Je pense que c'est simplement de dire « Bob vit quelque chose », peut-être qu'il oublie qu'il y a autour de lui, puis c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, sans physiquement zoomer sur le visage de Bob, ben on oublie le reste d'éléments, puis ça crée une espèce de tension ou un zoom d'une certaine manière, dans le fond. Et tout ça au service, on le disait, d'un album qui est empreint, somme toute, d'un côté épisodique, d'un côté positif. En terminant, Guillaume Perrault, t'avais envie justement de te lancer dans quelque chose, dans un album souriant, dans un album positif, de manière générale, comme ça? Oui, je te dirais que... je voulais que ce soit quand même quelque chose de cocasse, mais je voulais quand même qu'il y ait une espèce de... Je voulais pas qu'il y ait une morale là, placardée d'un bout à l'autre, là. Mais je voulais tout de même qu'à la fin, les gens puissent comprendre la morale du positivisme, puis de bien voir le côté des choses, voir l'autre côté de la médaille, puis de pas avoir peur de vivre d'aventure, en fait. Donc, c'est un peu ce que je veux transposer avec ce livre. Alors, Guillaume Perrault, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. À la prochaine. Salut. Alors, je rappelle Guillaume Perrault, auteur donc de ce Facteur de l'espace, un album qui est disponible depuis tout récemment du côté des éditions La Pastèque. Écoute de la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui sur les ondes du 89.1. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Également, les émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Avant de passer à notre entrevue, à notre rencontre avec Alcante dans quelques instants, je prends un petit 2 minutes pour vous mentionner au passage 2 albums que j'ai reçus ce matin. C'est dans la série La Petite BD Tech des Savoirs du Lombard. J'avais mentionné la création de cette collection il y a de ça quelques mois. Alors, j'étais bien content de voir arriver 2 propositions, une dans leur volet technologique, l'autre dans leur volet culture. Donc, culture, c'est le heavy metal de Jacques de Pierrepont et Hervé Bourris. Et du côté technologie, c'est l'intelligence artificielle de Marion Montaigne et Jean-Noël Lafargue. Alors, des albums, en fait, des propositions qui sont très distinctes l'une de l'autre, et je pense en fait que ça me montre personnellement, de la façon que je le reçois, c'est que ce sera vraiment une série qui sera unie de par la thématique, donc de par l'idée de vulgarisation, mais pas nécessairement par un style, par une approche de vulgarisation qui sera de transversale, si on peut dire, d'un récit à l'autre. Le heavy metal, donc dessiné par Hervé Bourris, on est vraiment dans l'esprit de ces petits livres, notamment, mais pour ceux qui l'ont lu, le petit livre rock, dites-vous que c'est essentiellement le petit livre rock, mais axé sur le heavy metal. Donc, on passe par page, en fait, à travers une pléiade d'informations de tout azimut sur des groupes, des dates, des courants, l'origine de la position de main pour les cornes du diable, vers tranquillement l'évolution du métal, le métal norvégien, le métal d'aujourd'hui, etc., donc des années 70-80 jusqu'à l'époque actuelle. Et on fait un survol extrêmement détaillé créer autour de tout ça. Évidemment, ça reste un survol, donc c'est le genre de récit qu'on prend quand on souhaite s'intéresser à un genre pour justement avoir un guide, peut-être avec quelques notes qui nous orientent d'album en album. Pour ceux qui connaissent peut-être le heavy metal, ben là, ça sera plus le plaisir de voir quelles références et quels regards les auteurs ont choisi de porter sur ces récits, sur ces groupes, sur ces musiques. Du côté de l'intelligence artificielle, on est dans quelque chose de plus classique. Pour ceux qui lisent Marion Montaigne, mais connaissent déjà son style, alors ce sera un peu dans cet esprit. Donc, on nous explique un contexte, un concept qui est relativement complexe. On apporte un certain axe narratif pour l'expliquer, pour le présenter. Ça fonctionne. Ça reste que c'est une vulgarisation qui est pas nécessairement à l'attention des plus jeunes, mais il faut quand même avoir une certaine compréhension de certains enjeux pour bien saisir et retirer le maximum de ce récit-là. Mais quand on a ces éléments-là, ben je pense qu'on va en tirer quelque chose d'intéressant et qu'on en ressort avec une conscience un peu plus grande de ce qu'est l'intelligence artificielle et des dangers également d'intelligence artificielle. On est quand même à notre époque à un moment charnière un peu de réflexion face aux tendances qui sont en développement d'un point de vue technologique. Alors ça reste fort intéressant dans cet axe-là également. C'est sûr que c'est des albums sympathiques. Je pense que c'est des albums qui se lisent facilement, qui se feuillettent un peu aussi, surtout dans le cas du heavy metal. C'est le genre de choses que je vous recommanderais peut-être d'aller feuilleter chez un libraire. Et si c'est le genre de sujet que vous aimeriez lire en BD, ben c'est des reportages qui sont de style et de facture très différentes, mais dans les deux cas qui sont, somme toute, fort bien ficelés. Alors voilà, donc c'est donc dans la collection La Petite BDTech des Savoirs chez Le Lombard. Donc Jean-Noël Lafargue et Marion Montaigne, l'intelligence artificielle. Jacques de Pierrepont et Hervé Bourris, le heavy metal. Écoute de la vie en BD et on profite en fait d'une résidence de création du côté de Québec pour aller à la rencontre du scénariste BD Alcante. Bonjour. Bonjour. Alors Alcante, à qui l'on doit entre autres des séries comme Pandora Box, Jason Bryce, Rani, le tome 4 de 13 Mystery et beaucoup plus également. Et peut-être d'emblée en fait, vous êtes de passage à Québec, vous y êtes d'ailleurs depuis quelque temps déjà, arrivé un peu en amont du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec début avril. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette résidence-là? Mais en fait, j'ai gagné donc une bourse effectivement de résidence qui est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique et le Festival de bande dessinée de Québec. Il fallait renvoyer un dossier, ce que j'ai fait il y a plus ou moins 6-7 mois. J'avais été mis au courant de cette bourse par le lauréat de l'année passée, qui était Jean-Luc Cornette, que vous connaissez peut-être, mm-hmm. qui en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être pris. Je suis arrivé le 7 avril, il y avait encore plein de neige ici à l'époque, ce qui me plaisait bien parce qu'en Belgique on n'a pas eu de neige cette année. Par contre, j'ai constaté que tout le monde ici en avait ras-le-bol de la neige. Et donc oui, je suis en résidence d'auteur, comme on appelle ça, c'est-à-dire que en fait on me facilite les choses en m'offrant un appartement qui est tout près de la maison de la littérature, et donc je suis libre en fait de travailler sur tous mes projets. Et j'ai un projet en particulier aussi sur qui a trait au Québec, plus particulièrement à Montréal.